On parle de quelques affaires qui pourraient paraître lourdes ici, mais des choses du futur. Lourdes, est-ce que ça veut dire que je comprendrai rien ou... Peut-être par moment. OK. Je demanderai des explications. Un pas de plus a été franchi par les scientifiques de Berkeley qui pourraient les mener vers la possibilité de lire dans l'esprit d'un individu en extrayant les images que son cerveau voit. Lors de tests, les chercheurs ont d'abord modélisé la façon dont le cerveau se représente les images à l'aide de l'imagerie par résonance magnétique. La réussite de l'expérience consiste à la traduction des enregistrements de cette activité neuronale en images. Pour l'instant, les résultats des tests sont davantage de l'ordre de la reconnaissance d'images connues que de l'identification d'images inconnues par les chercheurs. D'après les neuroscientifiques associés à l'Université de Californie, la traduction de l'activité neuronale permettrait éventuellement d'enregistrer les rêves par l'intermédiaire d'ordinateurs spécialement conçus. Ah, mais t'as dit que ça marcherait avec des examens par résonance magnétique. Mm-hmm. Moi, j'ai déjà eu ça dans le genou. Ça veut dire que je pourrais savoir qu'est-ce que mon genou y pense? Ah, je sais pas. Ça serait malade. Tu pourrais dialoguer avec peut-être aussi, avoir une petite conversation. Des fois, tu te sens tout seul. Hey, genou, à quoi tu penses? Ouais, peut-être que je voudrais pas finalement. Il serait peut-être qu'il me complexerait. Là. Il serait trop brillant ou je sais pas. Mm. Ou il serait jaloux de l'autre genou parce que tu t'en sers plus peut-être. Je sais pas comment tu fais les affaires dans ta vie. Mais bon. Ça dit, l'application de cette percée scientifique ne pourra pas être concrétisée avant plusieurs décennies. Donc, c'est pas pour tout de suite que tu vas parler à tes genoux, Kiwa. Bon. Tu feras l'homme orchestre pour l'instant. Ça te va bien comme métier. Ou le dauphin. Ouais, ben avec tes... Ouais. Ouais, va falloir l'expliquer, ça. T'as des parties de dauphin. Le gars, il est rempli de parties anatomiques de plein de bêtes différentes. En tout cas, vous le verrez un jour. Les chercheurs associés au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, sont à deux pas d'avoir trouvé le moyen de restaurer la vue aux personnes aveugles. Leur implant rétinien permettrait d'outrepasser le dysfonctionnement des cellules endommagées en faisant passer les données visuelles provenant de l'environnement directement vers le cerveau. Pour retrouver le sens de la vue, les personnes aveugles doivent porter des lunettes sur lesquelles a été ajoutée une caméra miniature. La caméra capte les données visuelles de l'environnement et les transmet à la puce électronique située dans l'œil d'origine ou artificielle du patient. La puce est enfermée dans un minuscule caisson hermétique en titane. Du titane. À la suite de la réception des informations, les électrodes de la puce s'activent pour stimuler les neurones qui transmettront les signaux électriques au cerveau. À partir des réactions du patient, les chercheurs ajustent l'algorithme implanté dans la puce pour ajuster la qualité de la vue. Bon, évidemment, cette personne n'aura pas accès à une vision normale, mais détiendra suffisamment d'informations pour se mouvoir dans une pièce de façon autonome. Donc, c'est pas vraiment une guérison là, de la cécité. Là. C'est plus un gadget, finalement, parce que c'est quand même le gréement qui va avec et qu'il faut porter, c'est ça, si je comprends bien. Ouais. Avec une caméra et tout. T'es vraiment... Tu deviens comme un genre de Terminator. Ouais, c'est ça. Ouais. La puce serait suffisamment sophistiquée pour permettre la reconnaissance faciale, par contre. Donc, c'est bien. Les chercheurs du MIT prévoient tester leur prototype sur des personnes aveugles d'ici 3 ans. Leur objectif est d'élaborer un implant rétinien qui aura une durée de vie d'au moins 10 ans. Tu sais, je sais pas, moi, je suis pas aveugle, puis je sais pas qu'est-ce que c'est être aveugle, là. Tu sais, on pense pas souvent à ça, qu'est-ce que ce serait si on voyait plus, mais. Passer. Je sais pas si je le ferais, moi, si j'étais aveugle, me faire poser ces patentes-là, tu sais. Parce que, quand tu nais aveugle, je sais pas si tu deviens aveugle plus tard dans la vie, mais si tu nais aveugle, t'as jamais su c'était quoi vivre et tu sais vivre à. Pas aveugle, là, on s'entend. Donc, t'es habitué à ça, puis ton environnement est comme il est, puis tu fais les choses, tu t'habitues, tu sais. Ouais, tu veux-tu vraiment, quand t'es comme ça, tu veux-tu vraiment te faire poser tout ça en sachant pas trop ce que ça va donner, puis finalement pour découvrir quelque chose que tu connais pas. Bon, moi, ça a pas l'air d'être quelque chose de dangereux pour ta vie, tu sais. Quand tu peux subir une opération qui te rendrait, tu sais, voyant, mais que ça pourrait peut-être aussi te tuer. Ouais. Là, peut-être que ce serait. Mais là, cette étape-là, ça a l'air pas si pire que ça. La société Imo Labs, hein, Imo, on aime ça, a présenté un nouveau genre de technologie s'appliquant aux haut-parleurs dans le cadre de l'événement Techno Demo d'automne 2009. Les haut-parleurs ont la particularité d'être invisibles et intégrés directement à l'écran. Les haut-parleurs Edge Motion de Imo Labs constituent en une fine membrane micro-flexible qui se colle directement sur l'écran de télé. C'est une force exercée sur les côtés de la membrane qui la fait légèrement plier, ce qui produit les ondes acoustiques dans une direction perpendiculaire à la membrane, vers donc la personne qui regarde. La membrane génère suffisamment d'ondes acoustiques pour produire un son en stéréo dans une pièce de taille normale et sans nuire à la qualité de l'image. Malade! Mais on dit pas quelle force le son, ça équivaut à combien de watts ou non? Mais par contre, en plus de pouvoir fournir le son des télévisions, l'entreprise imagine déjà sa membrane sur les portables, les écrans LCD, les cellulaires, les photographies voix gros, comme ça. Cependant, l'entreprise refuse de révéler si elle a déjà signé des contrats avec des fabricants de télé. Ils ont gagné le prix du meilleur produit fabriqué pour les consommateurs. Et il y a une vidéo, donc si ça vous intéresse, allez voir assemblagerequis.com. Hey, ça me fait quasiment peur, ça. C'est rendu loin, pareil, là. Ça avance hein, de façon fulgurante. Une membrane comme un speaker. Tu mets du saran wrap sur ta TV, bâtard! Ah, ça, c'est pareil. Une équipe de chercheurs de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, ou Champaign, a mis au point une poudre contenant des micro-capsules. Ces dernières libèrent des nanotubes de carbone grâce à une action mécanique comme un bon secouage, là, shake it up, qui permettent de rétablir instantanément un courant électrique interrompu à cause de la présence d'une fissure ou d'une coupure dans un fil. Donc, la poudre va venir prendre la place de la cassure dans le fil. Lors d'une expérience menée en laboratoire, les chercheurs ont saupoudré les micro-capsules sur un fil métallique coupé en deux et dont les deux brins étaient situés à 100 nanomètres l'un de l'autre. Ensuite, ils ont ajouté une tension de 50 volts dans les fils, ce qui a eu pour effet d'aligner les nanotubes, tel un fil de cicatrisation, permettant de faire joindre les deux brins métalliques. Et là, le courant a été rétabli. Incroyable, mais vrai. L'autoréparation du fil métallique a été possible car les nanotubes de carbone sont d'excellents conducteurs d'électricité. Il suffit d'imaginer un témoin d'alarme qui signale un problème de connexion concernant la batterie d'un ordinateur ou d'un cellulaire. L'utilisateur n'aura qu'à le shake it up pour réparer définitivement les diverses fissures ou coupures. Bref, c'est comme... ils se sont inspirés d'un vieux truc. Tu sais, quand quelque chose est brisé, tu le brases, tu fesses dessus. Ça marche jamais, mais là, dans l'avenir, ça va marcher, finalement. Oui, incroyable. Tu vas serrer sur ta TV, shaker ton téléphone, puis il marche. Marche pas, tu brasses, tu pitches à terre, puis là, il marche. C'est cool. Va te fesser, toi, tu vas peut-être marcher plus droit. C'est super archaïque comme moyen de résoudre un problème, mais ça va marcher pour vrai. Wow! Cool. Wow! Voilà donc pour les nouvelles du futur, wow, c'est presque troublant aujourd'hui, toutes ces nouvelles-là. Ça doit être parce que je suis encore sur mon beat de bois. Je pense que je suis pas tout à fait sorti du bois dans ma tête, là. Puis pour vrai, je suis pas à ce niveau-là, toutes ces inventions technologiques-là. Ça te passe par-dessus la tête, hein? Non, c'est pas ça. Ça m'intéresse au bout. C'est juste que je me rends compte que je suis vraiment un sauvage. Ouais, t'arrives chez vous, tu te fais à souper en tapant deux morceaux de bois ensemble, puis. Ouais, pas loin, là. Comparé à toutes ces choses technologiques, là, j'ai l'air là-dessus un peu, je pense. Mmh. Pauvre toi, je te plains. Ouais, toi qui es tellement à la page de toutes les actualités technologiques. Ah, pauvre Kiwan, ce Kiwan qu'on s'acharne donc sur lui. C'est la chronique de mardi, sa nouvelle du futur à CNX.ca pour qu'on compresse toutes les chroniques technologiques CNX diffusées dans l'assemblage requis du lundi au jeudi à 15h. D'ailleurs, soyez là plus tard aujourd'hui, il va y en avoir une chronique technologique CNX vers les 15h20. Et parlant d'assemblage requis, ce soir, tout à l'heure, cet après-midi, si on veut, entre 15h et 17h, on va recevoir Vanessa Pariétaire. Ça va être génial, mais c'est tout à l'heure ça. Parce que nous, on a le reste de l'émission CNX.zip à faire. Et avant de passer aux chroniques de mercredi et de jeudi, c'est-à-dire trucs cool et go-go gadgets, voici les nouveaux jeux vidéo en magasin pour la semaine du 4 octobre 2009 selon GameSpot.com. Commençons par Operation Flashpoint Dragon Rising sur PS3, Xbox et PC. C'est un shooter tactique. Demon's Souls sort sur PlayStation 3, c'est un jeu de rôle. NBA 2K10 sort sur tout ce qui est possible, ou au moins de génération courante, Xbox, PS3, PSP et PS2, c'est un jeu de basket. Ensuite, il y a Wii Fit Plus sur la Nintendo Wii qui sort. En fait, c'est déjà sorti. C'est sorti hier, c'est un dimanche, bizarre. Mais c'est un jeu de sport, c'est la suite de Wii Fit. Naruto Shippuden Legends Akatsuki Rising sort sur PSP le 6 octobre. C'est un jeu d'aventure. Star Wars The Clone Wars Republic Heroes, des jeux qui ne finissent plus avec des sous-sous-sous-titres. Hein? SWTCWRH. Ça sort ça sur vraiment tout ce qui est possible. PC, PS3, Xbox, Wii, PS2, PSP et Nintendo DS. C'est un jeu d'action-aventure. Ensuite, il y a NBA Live 10 qui sort sur Xbox 360, PS3 et PSP. C'est un jeu de basket. Ça, sur Xbox 360 et PS3, basé sur les films Décadence. C'est bien ça, ça, en français? Bref, avec Jigsaw. C'est un jeu d'action-aventure. Cities XL sort sur PC. C'est un jeu de stratégie. Sport Hero sort sur la Wii, un jeu d'aventure. C'est une nouvelle aventure de sport sur la Wii où vous créez votre propre héros et vous vous battez pour sauver la planète de menaces dangereuses. Africa sort sur PS3 le 6 octobre, c'est un jeu d'aventure. NBA 10 The Inside sort sur PSP, c'est un jeu de basket. Il y a Lucidity sur le PC et l'Xbox 360, c'est un puzzle platformer surréaliste. South Park Let's Go Tower Defense Play sur Xbox 360, c'est un jeu de Tower Defense. Si vous connaissez pas le style, cherchez-le, il y a vraiment beaucoup de jeux qui ont du Tower Defense dedans. C'est comme un style de jeu particulier. Il faut défendre sa tour, en tout cas. Bref, c'est sur Xbox Live, tout ça. Et on termine avec Disney Sing It Pop It sur Wii et PlayStation 3. C'est le troisième jeu de karaoké Sing It de Disney avec Miley Cyrus, Taylor Swift, The Jonas Brothers et Hannah Montana. Hein? C'est une nouveauté en magasin pour les jeux vidéo et c'est pour la semaine du 4 octobre 2009. Vous êtes toujours à CNX.ca, on continue l'émission pendant encore une petite 25N de minutes. Il nous reste la chronique de mercredi et de jeudi, mais avant ça, on va un peu, mais on revient. Restez là. Retour sur la deuxième moitié de CNX.ca, l'émission à plus geek de la radio, l'émission qui compresse toutes les chroniques technologiques CNX diffusées dans l'émission du retour Assemblage requis, qui est présentée du lundi au jeudi de 15h à 17h. Hein? Mettez ça dans l'ordre dans votre tête pour voir. On est rendu à la chronique de mercredi, voici quelques trucs cool. Mercredi. Kiwan, aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, on parle de choses cool parce que tu sais que je suis synonyme de cool hein, en termes de technologie. C'est vraiment. C'est, tout le monde le dit, hein? C'est, hein? Ben oui, je l'entends souvent. Ouais, en termes de technologie, là, c'est sûr. Il faut vraiment faire, faire comme si dans ce cas-ci. Il va falloir que tu m'éduques dans ce cas-là. Ouais. Donc, normalement, dans la chronique technologique CNX, il y a des thèmes vraiment particuliers. Ça peut être le tour du net, ça peut être des gadgets, des trucs, des jeux pour le bureau, etc. Dans mon bloc trucs cool ou choses cool ou choses que Mathieu trouve cool, c'est juste des affaires qui ne fitent pas dans les autres catégories, mais que je trouvais cool et qu'il faut que j'en parle. OK. C'est bon. Commençons par un gars qui a construit une Batmobile à 1 million de dollars. Hein, c'est un homme de Suède qui a passé 20 000 heures à rassembler plusieurs trucs pour faire une Batmobile grandeur réelle, une réplique. C'est construit à partir d'une Lincoln Continental 1973. C'est rempli de gadgets. Il y a des machine guns qui ont... Des machine guns. Des caméras vidéo pour voir derrière. Il y a la hauteur est ajustable. Il y a même une télé plasma à quelque part là-dedans. Mais si vous en voulez une... Dommage pour vous parce qu'il va falloir que vous la construisiez vous-même. Il faut être pas mal riche comme Bruce Wayne, dit l'article de Device.com. Mais tu sais, je veux pas te relancer, là, mais ça existe au Québec aussi. Il y a un monsieur à Sorel qui en a fait une Batmobile. Tu sais, le vieux modèle old school, là, la première, là, il en a fait une. C'est sûr qu'elle est peut-être pas aussi fonctionnelle avec tous les gadgets. Elle vaut pas 1 million de dollars. Sûrement pas, là, mais elle a l'aspect identique de la vraie Batmobile. Faut trouver ça, je veux voir ça. Si tu as trouvé ça. Cool. Bref, celle-là, c'est 700 chevaux moteurs qu'on appelle, c'est ça? Oula. 1 million de dollars. Et il faut aller voir la vidéo qui est sur device.com. En fait, le lien est sur assemblagerequis.com dans le lien d'émission d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut porter des collants pour la conduire? Ah, ça dit pas. Et ça dit pas non plus qu'il faut un petit jeune garçon fringant. Un petit ami. Pour te suivre, ça le dit pas. Article sur joystick.com maintenant, toujours dans mes trucs cool. Pour certains gens, regarder une console de jeux vidéo ouverte en morceaux et exposée, ça peut être un petit peu difficile à supporter. Hein? Parce que regarder une console ouverte comme ça, tu peux pas jouer avec. Ici, le Museum of Game Science de Tokyo montre des PlayStation et des Xbox désassemblés en dissection totale. Et vous pouvez voir la vidéo aussi sur assemblagerequis.com. Il y a juste une vitre entre toi et l'intérieur de ces consoles-là. Le caméraman est allé regarder de tous les angles. Donc, allez voir ça, c'est vraiment cool. C'est un peu comme Buddies, mais pour les gamers. Comme quoi? Bodies? L'exposition Bodies, non? Avec le corps ouvert, là. Ouais, si. Non, tu vois, toutes tes références, non, je les connais pas vraiment non plus. Là. Tu comprends pas ce que je dis, moi. Je comprends pas ce que ouais, je dis. Ouais, il y a comme. Un pont, une vitre entre nous deux. Il y a un écran. Ouais, c'est bon. Continuons avec, pourquoi pas, un autre article qui vient de Ogizmo.com cette fois-ci. Ça a l'air d'exister depuis 2008 environ, cette vidéo-là, mais ça commence à faire vraiment le tour des blogs en ce moment. La vidéo est encore sur l'article. C'est un artiste japonais, Mio Izawa. Il a fabriqué quelque chose en caoutchouc ou en latex. Ça ressemble à une vessie, mais c'est peinturé pour avoir l'air d'une tumeur. Donc, c'est connecté à plein de moteurs et des actuateurs pneumatiques. Tout ça est mis dans un ordinateur. À côté d'un ordinateur, c'est contrôlé par un logiciel sur le PC auquel c'est attaché. Quand le processeur de l'ordinateur va lentement, la tumeur fait une petite pulsation. Mais aussitôt que tu commences à faire quelque chose de très, très dur, là, tu sais, de la vidéo, des trucs intenses sur ton ordinateur, du son, et ça commence à vraiment s'agiter comme une vraie tumeur. Ça vous donne un genre de regard plus physique sur votre ordinateur. C'est vraiment cool à voir. Ça ressemble à une tumeur. Il aurait pu faire un cœur avec, mais ça aurait été moins dégueulasse et moins folle à regarder. Ça. Ouais, c'est ça. Une tumeur, c'est même pas super intéressant. Là, comme, c'est dégueulasse. Comme concept. Tu vas voir la vidéo, c'est vraiment dégueu. Ouais, je vais aller voir. C'est très, très le fun. Tumeur mécanique, si on veut. Jamie Margery, qui est un homme talentueux, mais avec une imagination horrible. Il a pris un personnage de jeu vidéo, la plante Piranha, dans les jeux de Mario, dans le royaume champignon, si on veut. Il l'a rendu diabolique. Hein? Plante Piranha faite en acrylique, des fils différents, en tout cas, je sais pas trop les matériaux, ça a l'air compliqué, là, du clé, comment ça s'appelle? De l'argile. C'est fait avec de l'argile. Donc, si vous allez voir l'article qui vient de slashgamer.com, vous allez voir de quoi ça a l'air. On dirait une vraie plante Piranha, mais tellement diabolique avec des dents vraiment, là, tu sais, aiguisées. Ça pourrait vous tuer, cette affaire-là, mais ça le fera pas parce que c'est de l'acrylique et de l'argile. Mais ça a l'air d'être comme dans, en tout cas. C'est réaliste, c'est très, très joli. Nouveau concept de canne de Coke. Qui, ouais, moi et toi, est-ce que t'aimes la liqueur, ça? Non, pas tellement. Non, du jus, toi. Du jus de fruits. Du punch. Non. Des popsicles. Plus café. Ah, d'accord. Ouais. Bon. Donc, depuis des années, la méthode la plus populaire de rendre sa canette de liqueur différente pour les compagnies qui les fabriquent, c'est juste de changer les graphiques sur la canne, tu sais. La canette. J'ai dit tout en canne, mais canette. Ici, le gars Dimitri Samal croyait qu'il y avait de l'amélioration possible dans le design physique d'une canne, d'une canette de liqueur pour la rendre plus attrayante pour le public. C'est vrai que c'est quand même rustique, là. Ça n'a pas changé beaucoup depuis son invention. Mais c'est pas si vieux non plus, le format canette, là, quand même. Mais bon. Excuse-moi. Mais ça se différencie pas. Non, c'est ça. T'as raison, c'est vrai. Donc, ce nouveau concept pour la canette de Coke classique, c'est plus un cylindre. Non, à la place, ça ressemble un peu à un dé. Ça a la même forme là, en hauteur et en largeur qu'une canette, mais les côtés sont comme en genre de pente, comme un dé, d'accord? Ce qui l'empêche de rouler quand elle est à l'horizontale, donc dans le frigidaire, dans le frigo, tu pourrais la laisser là et puis elle va rester tout le temps dans sa bonne position. Et pour les magasins aussi qui vendent des canettes, tu sais, des centres d'achat, n'importe quoi, tu sais, des Walmart, les empiler va être plus facile sur des tablettes, donc c'est vraiment cool. C'est un concept, donc allez voir les photos, vous allez pouvoir savoir par vous-même de quoi ça en retourne. Hein? Lui, il travaille pas pour Coca-Cola, non. Là, non, absolument pas, mais il pourrait être engagé avec des concepts comme ça, par contre. Ben, si il a décidé que ça s'appliquait à cette marque-là, parce qu'il aurait pu juste dire une canette quelconque, là, il a sûrement déjà reçu quelconque avance de. Ah, peut-être, ou encore, le gars, il essaie d'être devant eux. Ben, ou sinon, il est vraiment en cave. S'il a juste décidé de mettre le nom de la compagnie sur son invention sans qu'il y ait de lien commercial. Mmh. Mais même pour d'autres choses que des canettes de liqueur, juste parce que là, il explique le processus de comment c'est fait, là, c'est super compliqué, mais ça pourrait sûrement la forme au moins s'appliquer à d'autres produits, là, des choses pour mettre des balles de tennis dedans, n'importe quoi, tu sais, quelque chose qui est cylindrique pourrait devenir avec ces facettes-là quelque chose qui tiendrait sur lui-même. J'aime beaucoup l'idée. C'est très cool. Robot R2D2, d'accord, donc ça c'est un autre projet complètement, là. C'est un robot R2D2 comme dans Star Wars, mais avec 8 consoles à l'intérieur, une carte son intégrée, un système de son intégré et un projecteur dans sa tête, donc vous pouvez jouer à n'importe quel jeu vidéo sur combien de consoles? Il y en a vraiment des tonnes. Parce qu'on regarde juste les manettes qui sont branchées dans le R2D2. C'est impressionnant. Vraiment. C'est Brian DeVitis, un lecteur du magazine Popular Science, qui a rassemblé toutes ces consoles en même temps dans un seul appareil. Allez voir les photos. C'est via Hack and Mod. C'est malade. Absolument malade. Il doit y avoir au moins une vingtaine de consoles. Ça dit juste 8? Ah, c'est parce que, attends. Il y en a 2000. 2000 consoles? Il y en a juste 8. Il y en a 8, mais c'est que chaque console peut avoir plusieurs manettes. Ah. Donc, tu peux jouer en multijoueur à la Dreamcast. Je vois une vieille Sega, une NES, une Super NES, n'importe quoi. Il y a même un gun au NES pour Duck Hunt. C'est fou pareil. Fou pareil. Et on termine avec quelque chose qui vient du Japon, d'accord? On peut faire des jeux vidéo avec n'importe quoi au Japon, dont la violence domestique et le anger management, donc les gens qui ont la fâche facile. Donc, la rage de ces civils, ces gens de tous les jours, a été condensée en un nouveau jeu d'arcade où les joueurs doivent fesser sa table et la renverser par frustration. Ça s'appelle Cho Chabudai Yaeshi. C'est basé sur la phrase japonaise « upending the tea table », donc faire virer la table de thé. Ça place les gens devant un périphérique qui ressemble à une table de plastique. Ils doivent taper avec leurs poings sur la table pour faire des points. Hein? Et ça ressemble un petit peu à Taiko Drum Master ou les jeux de batterie ou Rock Band, etc. Mais avec plus d'intimidation et de furie. Puis quand tu montes les niveaux, fous-tu quoi? Tu battes tes enfants? Bon. Tu gifles ta femme ou n'importe quoi. Bref, c'est pour ça. C'est louche, je trouve, comme concept. C'est étrange, même que c'est malsain, je pense. Ouais, un petit peu. Les joueurs tapent leur chemin jusqu'à la victoire, éventuellement. Le coup de grâce, c'est faire renverser la table. Littéralement, le périphérique peut être viré de bord pour faire sa grande fin. La meilleure chose, c'est les scénarios qu'on peut refaire, si on veut, de la vraie vie, qu'on peut refaire dans le jeu vidéo. Un club, c'est une boîte de nuit. Un party de mariage. Un bureau ou un salon japonais. Malade.

Et c'est la fin de la chronique gâteau. Mais ça, mon réveil est tellement vieux, il est tellement carré, ouais, que je peux le mettre dans tous les sens, puis il tient sur chacune des faces, là, il tient, il n'y a vraiment aucune rondeur dessus, là, c'est un bloc carré. Wow. Il est malade. C'est comme un Transformer. Je l'aime, je suis attaché, là, je suis pas capable de m'en défaire. Tu vois, c'est touchant, ces histoires-là. Moi, je trouve ça tellement beau, une histoire d'amour entre un homme et son cadran. Ouais. Alors, quelle romance à CNX! Hein? Voilà, c'est presque la fin de CNX.zip pour cette semaine. Donc, on va se quitter très bientôt, mais retrouvez tous les liens de l'émission d'aujourd'hui sur www.assemblagerequis.com. Là-dessus, il y a la balado-diffusion de l'émission où il y a les liens. Il y a Assemblage Requis. Et d'ailleurs, à Assemblage Requis, tout à l'heure, entre 15h et 17h, soyez là parce qu'on va recevoir Valès Pariétaire en entrevue. D'ici là, ben, il y a le dîner de con à 11h. Et nous, on se retrouve lundi prochain, 10h, pour une autre édition de CNX.zip. Et on se quitte avec la musique de Disaster Peace. C'est la pièce Saint Valentine, pièce de relation qui se termine, mais en jeu vidéo. Donc, ça sonne drôle, puis c'est moins triste peut-être quand il y a des jeux vidéo. Bye!